British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, c'est Faustine, Faustine Sapa des éditions Camion Blanc dans British Connection. Merci à Philippe de m'offrir cette occasion de vous présenter mon livre Bertrand Cantat ou les écorchés. Il a un peu de bouteille maintenant parce qu'il a été publié chez Camion Blanc fin 2015. Mais la passion n'a pas d'âge. Quelques mots pour situer le contexte peut-être. Après 10 ans d'absence sur la scène musicale française, Bertrand Cantat, l'ex-leader de Noir Désir, avait fait son grand retour en 2013 avec le projet Détroit, duo qu'il formait avec le bassiste Pascal Imbert. En 2014, la tournée qui a suivi la sortie de l'album Horizon avait remporté un vif succès en rassemblant plus de 300 000 personnes sur 70 dates. Je me souviens du moment où, dans la fosse du Forum, au Mans, en attendant les artistes, j'ai commencé à observer les gens qui m'entouraient. Des très jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes. Une grande ferveur partagée qui électrisait l'ambiance, un poil d'hystérie. Je me suis alors demandé ce que nous avions en commun pour être tous et toutes là à attendre l'arrivée sur scène d'un artiste au destin unique dans l'histoire du rock. Alors même qu'il a toujours rejeté l'idée d'être une idole, Bertrand Cantat est devenu pour beaucoup un mythe vivant, drainant derrière lui une foule d'individus, d'écorchés, qui se reconnaissent dans ses blessures et peut-être plus encore dans sa capacité apparente à les transcender. Moi-même, fan et journaliste de métier, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ce public pour dessiner un portrait croisé de l'artiste et de ses fidèles. Illustré d'environ 200 témoignages de fans, cet ouvrage propose un double regard sur ce phénomène, puisque je me positionne à la fois comme partie prenante et observatrice, pour un portrait sans complaisance, mais toujours rempli de tendresse, et souvent de reconnaissance. Je vous propose d'écouter un live radio de Noir Désir, enregistré à Milan en 2002, « Si rien ne bouge », qui figure notamment sur l'album d'acoustique de Noir Désir, « Débranché », sorti en janvier 2020. Je t'écris toujours quand la menace du fond de la cour grimpe et me glace. Regarde là-bas, au bout de mon toit, si rien ne bouge, le ciel devient rouge. Cet homme qui volait tout des femmes de l'opium. Moralité et la moralité te passe, te casse le joint, le culasse. Je t'ai dit encore se perdre au loin, c'est qu'un grand nombre ne verra rien. Yeah. j'avais chance que rien ne bouge. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Salut, c'est de nouveau Faustine des éditions Camion Blanc dans British Connection pour parler du livre Bertrand Cantat, Nous les écorchés. Il pourrait avoir une suite puisqu'il se passe pendant la tournée de 2014 et depuis Bertrand Cantat est revenu plusieurs fois, conquérant à chaque fois de nouveaux publics qui ne connaissaient pas forcément Noir Désir au départ. C'est intéressant de regarder l'évolution de l'accueil médiatique qui lui est fait. En 2016, la tournée Condor Live, d'après le roman éponyme de Caryl Ferré, réunit sur scène Bertrand Cantat, Marc Sens et Manu Sound pour un spectacle de 50 minutes. Une performance hybride entre la lecture musicale et l'interprétation libre d'un extrait de roman, une mise en abîme poétique, sombre, intense, qui cloue le spectateur. Même si la promotion a été discrète, ce projet fait l'unanimité partout où il passe. Personne ne cherche alors à intimer à Bertrand Cantat l'ordre de fermer sa gueule. Les choses se compliquent pour lui l'année suivante. Premier album solo du chanteur, même s'il est notamment accompagné par trois des membres de Détroit, Amor Fati est dévoilé à l'automne 2017. La promo est un peu moins discrète. Bertrand Cantat fait la une des Arocs avec un titre d'expression « En mon nom ». Et là, c'est le tollé. Le journal, sous la pression, est contraint de présenter ses excuses au lecteur. C'est vrai que le timing n'est pas idéal, l'affaire Weinstein vient d'éclater et la vague de MeToo déferle sur les réseaux. Se déroule alors une lutte sans fin entre partisans de la deuxième chance à offrir à un homme qui a purgé sa peine et néo-féministes qui pensent qu'applaudir un artiste sur scène, qui a légalement le droit de s'y produire, revient à cautionner son geste qui a causé la mort de Marie Trintignant en 2003. Sans doute est-ce un peu plus nuancé que ça. C'est un combat de mots, de convictions, de principes, faisant tellement tourner en boucle la question « faut-il séparer l'homme de l'artiste » qu'elle en devient absurde, vide de sens. En mars 2018, la tournée Amor Fati démarre. Pour la première fois depuis son retour 5 ans plus tôt, alors même qu'en 2014, il était à l'affiche non contestée de tous les festivals d'été, des pancartes sont brandies, des pétitions sont lancées, des contre-pétitions ripostent, des salles annulent les dates sous la pression, d'autres hurlent à la censure. Le chanteur est pris à partie par des manifestantes qui visiblement se trompent de combat. Parlons par exemple d'impunité à propos d'un homme qui a été jugé et condamné. La confusion est totale. Le 10 juin 2018 à Bruxelles, Cantat met fin prématurément à sa tournée, voire, c'est encore assez flou, à sa carrière. En novembre 2019, paraît chez Camion Blanc la biographie Noir Désir post-mortem de Léonel Oussam, avec notamment la participation de Serge Dessauguet, guitariste de Noir Désir, un projet que j'ai eu le privilège de diriger. Je vous livre un extrait de ma préface évoquant la différence de traitement des retours de Cantat entre 2013 et 2018. En 2013, des avis divergents se confrontaient au travers de tribunes et d'éditoriaux, ils sont faits pour cela, ouvrant la porte au débat. À quelques réactions épidermiques près, l'hystérie n'était pas encore la seule invitée vedette des plateaux de télé. L'influence de Twitter n'était pas aussi prégnante qu'elle est aujourd'hui dans l'exercice du métier de journaliste. Quand une voix s'élevait un peu plus fort que les autres, on se questionnait au lieu de lui emboîter le pas bêtement et bêlant. En 2017, ces réactions, qui ne sont que des avis, deviendront la norme. Alors qu'ils auraient dû rester anecdotiques, les tweets deviennent des informations en soi pour des médias en manque d'inspiration, pressurés par l'obligation d'une réactivité immédiate, perdant en chemin recul, réflexion et analyse. Chaque anonyme qui s'exprime sur les réseaux sociaux érige son opinion en vérité, balayant d'un revers de like la considération des décisions judiciaires et de leur vocabulaire, piétinant allègrement liberté d'expression et de création, au profit d'une justice de rue moyenâgeuse, dans un repli sur soi fétide et alarmant. En réclamant l'interdiction des concerts sous couvert d'une cause qu'ils ne méritent ni ne servent, certains, armés de pancartes au langage haineux erroné, se sont mis en position de criminels impunis, coupable du délit d'entrave à la liberté de diffusion de la création artistique. Sur ce, je vous propose d'écouter le morceau Amor Fati, qu'on n'a pas beaucoup entendu à la radio. British Connection, l'émission rock qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. British Connection, just rock! Abolir le malheur avant d'anéantir la pesanteur. Un flamenco craché à la face du soleil, un peu comme Apollo filant droit vers le ciel. Ce qu'on sait de tout ça, rien. Mais j'ai retenu un lien. Enlace tout, embrasse tout, accueille tout, reçoit tout, donne tout, par-dessus tout devient pénombre. Où je me sonore se répond la joie et la lumière d'or flambe la flamme au sésame. Ouvre-toi, mais y a bien pire voleur qu'Alibaba. Terminus, tout le monde descend. Comment rester des cents et des mille et des cents dérobés aux pauvres gens, eux qui coulent, qui sombrent au loin. Ce qui est, et ce qui est, et ce qui est, et ce qui est, et amor fati, amor, amor fati, amor, amor fati, amor. Ce qui est, et je te jure, faut qu'on s'accroche. La vie c'est parfois moche. Tu me dis que t'en peux plus, que t'as bien trop reçu de coups de canif. Et dans les manifs, que c'est pas ton kiff, la place du calife. Que tu veux partir au loin, que tu veux tout envoyer promener. T'as raison, fausse, balader, mais y'a pas de paradis, y'a mieux que ça. Aimer, même en enfer, apprécier jusqu'au bout, même la pile ou la mer. Ce qui est, et ce qui est, et ce qui est, et ou amor, fati, amor. Amor, fati, amor, ce qui est, et on pourrait prendre à bras le corps, le destin, envisager la vie comme un festin, apprivoiser le cuir comme Iniesta, de l'aube au crépuscule, une fiesta. Amor, fati, amor. Amor, fati, amor. Amor, fati, amor. Amor, fati, ce qui est, et amor, fati, amor. Amor, fati, amor. Amor, fati, amor. Amor fati, ce qui est, et amor fati, ce qui est, et le trajet, le voyage ou trajet, trajectoire de l'orage, le destin humilié, 100 fois tomber à terre, 100 fois se relever. Si tu l'aimes, la poussière, tu vas te régaler. Bam bam, ton cœur explose. Et si tu l'oses, ramène ta prose, augmente la dose. C'est sûr, ils aimeront pas, ils diront que t'as pas le droit. Chaque fois, chaque fois. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, et amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, et toi, qu'est-ce que tu sais de ma vie, qu'est-ce que tu sais de ma peine. Tu parles, tu causes, tu parades, tu gloses, et ta mauvaise haleine, on dirait sous Hélène. Tu fais semblant de savoir, tu racontes des histoires. Bouffon, Charlot recrache comme un robot les conneries prémâchées, la soupe qu'on a jetée dans ton écuelle d'esclave. Et regarde-toi maintenant, tu baves à ce que je sais, tu veux me faire la misère et ça date pas d'hier. Ok, je me rends, je me prends ton doigt pointé sur moi chaque fois que je trouve mon souffle. Amor fati, amor, amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, et amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, et c'est l'heure d'aller voler le feu, le fixer dans les yeux. Moi je dirais que ça urge, les moutons de panurge sont en passe de gagner la partie de poker du siècle. Alors Shazam, pas des super-héros, mais pas des statistiques et pas des numéros. On sait qu'on est unique, chacun seul dans la toile. On est relié à tous, à la terre, des entrailles, au cosmos, aux étoiles. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, hey. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, amor. Amor fati, ce qui est, hey. You rock. Salut, c'est encore Faustine des éditions Camion Blanc dans British Connection pour parler du livre Bertrand Cantat, Nous les écorchés, et les différents retours du chanteur. À l'automne 2019, Bertrand Cantat revient, ou plutôt il tente de revenir. L'annonce du spectacle Paz, de nouveau en collaboration avec l'écrivain Caryl Ferré, programmé en mars 2020 au Rocher de Palmer à Senon près de Bordeaux, a été rendu public le 21 octobre 2019. Deux jours plus tard, Patrick Duval, directeur et programmateur de la salle, annonce l'annulation du concert, complet en moins d'une journée, en vertu, je cite, de pressions multiples et d'une censure qui ne dit pas son nom. Ne souhaitant pas ajouter de commentaires autour de ce communiqué, il a publié une lettre ouverte le lendemain, dans laquelle il explique qu'immédiatement après l'annonce, le groupe s'étant retrouvé confronté à un climat délétère similaire à celui de 2018, ses membres avaient décidé d'annuler la date. Bertrand Cantat n'a pas eu besoin d'attendre une pandémie qui a anéanti le monde de la culture pour être un non-essentiel interdit de scène. Le confinement des esprits avait déjà fait son œuvre. L'album de 7 titres sort uniquement en numérique le 24 avril 2020, sans promotion, en plein premier confinement. Une vraie respiration pour ses fans. Le vinyle sort en juin, au déconfinement, et début décembre paraît le livre-album chez Gallimard, avec quelques morceaux et narratifs supplémentaires. Finalement, dans cette période de Covid, Bertrand Cantat redevient un artiste comme les autres, invisible. Pour revenir au sujet de départ, le livre Bertrand Cantat nous les écorchait. Il a fait des petits. J'ai créé la collection Paroles de fans chez Camion Blanc en 2016. 4 ans plus tard, ce sont 15 ouvrages et près de 2000 fans qui livrent leurs témoignages, parfois avec la participation de l'artiste concerné, parfois avec des guests de dingue, pour décrypter les origines d'une passion pour un artiste sous un angle inédit, celui du public. Sont parus à ce jour, dans l'ordre chronologique, Benjamin Biolay, Muse, Guns N' Roses, U2, Joy Division, Rammstein, The Beatles, Étienne Dao, Soan, Nick Cave, The Cure, Motley Crue, Elmer Fudd, Deep Purple et le petit dernier tout chaud, sorti en janvier, Depeche Mode. T'as vu, hein, pour l'instant, il n'est question que l'artiste masculin. Il serait grand temps de mettre à l'honneur des femmes artistes. J'étudie toute proposition. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages de la collection Paroles de fans sur leur page Facebook dédiée et sur le site camionblanc.com. Merci à tous pour votre écoute. Merci encore à British Connection pour son accueil bienveillant. Pour terminer, je vous propose d'écouter un dernier morceau, Le temps d'une paix éclair, issu de l'album Paz, qu'on a encore moins entendu à la radio. Ciao, ciao! Merci Faustine, très sympa. On a appris pas mal de choses. Je rappelle que ton bouquin est sorti sur Camion Blanc, Bertrand Cantat, nous les écorcher. Hein, puis tu as eu la gentillesse de nous offrir un exemplaire dédicacé, et oui, aux auditeurs de British Connection. C'est très simple, vous laissez vos coordonnées en message privé de la page Facebook de British Connection. Tirage au sort à la fin de cette émission. Et voici ton dernier morceau choisi. Bertrand Cantat dans British Connection. Lueur, étincelle, éclair, flash, cru, lumière, étincelle qui t'aveugle. Le vacarme a son heure de gloire et de misère. Coupe court à tous les rictus de façade. Retiens le sel du cœur qu'abrite le bord des gouffres. Lueur, étincelle, éclair, flash, cru, lumière. Étincelle qui t'aveugle. Le vacarme a son heure de gloire et de misère. Coupe court à tous les rictus de façade. Retiens le sel du cœur qu'abrite le bord des gouffres. Se recouvrir pour éviter les phares du bolide. Go fast. Go and crash. Escrabouille a tutti. Go fast. Go and crash. Escrabouille a tutti. Thank you. sommes-nous déjà enfouis, engloutis, recouverts par le givre, ma chair? Cernés de charognards en habits de lumière, drapés dans leur façade de vertu, os, chair et toute moelle corrompue. Courir à l'envers, courir vers le pôle inconnu. À tous les points cardinaux transformés en points morts, sortez des angles injurieux. Vous êtes douceur assimilée quand la sphère vous absorbe et déglutit pêle-mêle des odyssées de charmeurs de serpents. Ce cœur finira par être au bon endroit, et c'est partout nulle part, et nulle part est amour qui hurle en tous lieux le temps d'une paix claire. vers le pôle inconnu. À tous les points cardinaux transformés en points morts, sortez des angles injurieux. Vous êtes douceur assimilée quand la sphère vous absorbe et déglutit pêle-mêle des odyssées de charmeurs, de serpents. Et ce cœur finira par être au bon endroit. Ce cœur finira par être au bon endroit. British Connection. British. British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. Mamaluco cucurucho. British Connection. On peut pas laisser une bande dehors la loi nous empoisonner la vie. Tu vas la fermer deux minutes, bordel à queue. Allez, la première heure de British Connection se termine. On va se retrouver dans un instant avec la deuxième partie de l'album de la semaine, celui de Imaginary Suitcase, les 180 secondes du micro jaune avec l'ami Rémi Morvan. Et puis je vous annonce, la semaine prochaine, dans British Connection, il y aura le tout nouvel Evanescence. Réveillez-vous, il y a des parachutistes dans le métro, dans les stations RER. Les Kalachnikovs fument des mégots, elles en ont marre de se taire. Au milieu du quai, certains disent leur dernière prière. D'autres dorment sur des 8-6 et des tracts de force ouvrière. Les gens se parlent.